Sawadee krap, annyeonghaseyo, namaste, salam alaikum. Les sons étranges qu'Alan évoquait dans le teaser de la semaine dernière, je crois qu'un peu par ma faute, le teaser en question n'a pas été diffusé ou a été diffusé qu'en écrit, mais bon, vont nous amener à explorer rapidement avec moi différentes thématiques autour du langage, de l'auto-organisation, et vous perdre un peu, mais pas très longtemps, dans quelques thématiques qui me sont chères. Nous sommes le mercredi 2 juillet, vous êtes dans Podcast Science, et c'est l'épisode 181. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Okay. Donc bonjour tout le monde pour ce podcast auto-organisé. Eh bien, on commence par un tour de table. Alors, à Lausanne, on a Alan. Bonjour tout le monde. À Paris, on a moi-même Nico et qui a fait le dossier ce soir, David de Limerick. Voilà, on a un sommaire pour cette émission. Ouais, au sommaire de cette émission de type dossier, avant-dernière émission de la saison, nous avons le dossier de David sur l'auto-organisation. Donc, il n'est pas encore fait, il va se faire en direct. Tout à fait, tout à fait. On a le pitch de la semaine prochaine, la côte, et puis tout plein de plugs, et ce sera tout. D'accord, donc on a une minute pour trouver une côte, hein. D'après ce que je vois, là, il n'y en a pas. Je lance un petit appel à la chatroom, comme ça, en passant. Good. Bah, David, du coup, on t'écoute. Bonjour très chers auditeurs, pour cet avant-dernier podcast science de la saison, et pour moi un petit peu plus, mais vous verrez ça en fin d'émission, j'avais initialement prévu de vous parler d'auto-organisation dans le vivant, des choses comme les oiseaux et les poissons qui se déplacent en formation complexe grâce à des règles simples, un petit peu d'émergence, tout ça, tout ça. Puis, en cherchant un peu de biblio, je suis tombé sur un sujet parlant d'auto-organisation et d'évolution du langage, un article fort sympathique, signé Pierre-Yves Houdayé, et nommé aux sources du langage, l'auto-organisation de la parole, parlant aussi d'évolution. Et je me suis dit que définitivement, je me devais de faire un dossier là-dessus. On parlera donc aujourd'hui auto-organisation du langage. Mais avant de me lancer dans de grandes explications, qu'entend-on par auto-organisation ? L'auto-organisation, c'est quand les propriétés macroscopiques sont irréductibles aux propriétés microscopiques. Ok, me direz-vous, mais qu'est-ce que ce charabia veut dire ? Parle-t-on d'infiniment petit, d'infiniment grand ? Absolument pas, mais quand on participe à Podcast Science, on signe avec notre sang une charte nous engageant à placer ces expressions à chaque épisode pour faire réagir Robin. Bref, l'auto-organisation, c'est donc quand les propriétés macroscopiques sont irréductibles aux propriétés microscopiques, ce qui veut dire, en gros, que les unités qui vont former un ensemble plus grand et cohérent n'incluent aucune représentation de cet ensemble plus grand. L'exemple le plus simple est sûrement la cristallisation. Des cristaux de sel, par exemple, ou tout autre cristaux, vont avoir, même non taillés, des formes relativement régulières et similaires de cristal en cristal, qui seront simplement le résultat de leurs propriétés physiques. Chaque petit morceau de chlorure de sodium n'a bien sûr aucune idée de sa place dans le cristal de sel, et pourtant, en suivant des règles simples, ces particules vont systématiquement former des cristaux reconnaissables. Pareil pour les formations d'oiseaux, qui vont former une formation complexe et cohérente, sans carambolage, alors que chacun d'entre eux ne se positionne que par rapport à son voisin direct. Bon, ok. Ok donc, mais qu'est-ce que tout cela, quel rôle tout cela va-t-il pouvoir jouer en biologie et éventuellement dans le cadre de la théorie de l'évolution ? Eh bien, prenons un autre exemple, les ruches des abeilles. Vous en avez tous vu et vous ne serez pas surpris si je vous dis que les cellules de la ruche forment des hexagones constitués de cire et remplis de miel. Et comme il semblerait que l'hexagone soit la forme régulière constituée de bord droit la plus économique en termes de cire nécessaire, avoir des cellules en forme d'hexagone est donc un choix très intelligent. La pression de sélection a-t-elle donc fait évoluer les abeilles pour devenir d'habiles architectes capables de faire avec de plus en plus de précision des hexagones de plus en plus réguliers ? Eh bien, sans doute pas tout à fait, entre autres car cela aurait demandé aux abeilles des capacités cognitives sûrement assez complexes à faire évoluer. En fait, il se trouve que lorsque des cellules de cire de forme vaguement circulaire sont chauffées à la bonne température, comme elles le sont par le battement d'ailes des abeilles, leurs propriétés physiques leur font prendre spontanément la forme d'hexagones, un peu comme des gouttes d'eau qu'on entasserait, en fait. Du coup, pas besoin de cognition complexe, la sélection naturelle a sûrement plus simplement progressivement sélectionné des abeilles battant des ailes à la bonne vitesse et produisant la bonne cire. L'auto-organisation, c'est donc généralement utiliser des règles simples pour obtenir un comportement visiblement complexe. On pourrait multiplier les exemples et parler de termitières, de fourmilières, mais je pense que vous avez compris le principe. Qu'en est-il du langage ? À quel niveau est-ce qu'interviendrait l'auto-organisation de celui-ci ? Eh bien, les langues sont structurées de différentes manières. On pourrait par exemple parler du chinois et de nombre de langues asiatiques qui sont des langues tonales. Et comme, malgré mes 1 an et demi passés en Chine, je m'humilierais indiscutablement si j'essayais de vous faire une démo, j'ai demandé à une amie de faire le boulot pour moi. Donc en mandarin, écoutez bien, Magneto Alan. There are 4 tone classes in Chinese Mandarin. Let's take the syllable ma as example. Ma with the first tone means mother. Ma with the second tone means fiber. Ma with the third tone means horse. Ma with the fourth tone means scold. Let me repeat these 4 tones. Ma, ma, ma, ma. Alors vous avez bien tout différencié, vous avez de la chance parce que Lola prononce super distinctement, donc je traduis un peu en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Là, elle a prononcé donc 5 fois ma, entre guillemets, enfin 4 fois ma avec 4 tons différents, et chacune des prononciations avait un sens différent. Il y en a un qui voulait dire cheval, l'autre qui voulait dire chèvre, j'ai oublié les deux autres significations. Voilà, donc je ne sais pas si vous distinguez ces 4 tons, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer et tenter de reprononcer les 4 différents ma avec les bons tons. Oula, comme ça hein. Il aurait fallu que je les entende un peu plus, je crois. Si ça avait été tout de suite, peut-être, mais là, j'ai déjà un peu oublié. Je dirais, attends, ma, ma, ma, ma. C'est quelque chose comme ça, non ? C'est pas trop mal. Enfin, le deuxième, je pense qu'il est assez bien, mais bon, c'est pas tout à fait ça, non. Enfin, je pense qu'un chinois, mais bon, je suis, malgré 1 an et demi de chinois, je suis super nul, donc... J'espère que j'ai rien dit de grossier. Non, t'as rien dit de grossier, de toute façon, il n'y a pas de version qui soit grossière, mais bon. On pourrait continuer en cantonais, deuxième partie de Magneto. In Cantonese, there are 6 tone classes in total. Let me pick 6 frequently used characters to show you the difference. Zhong, Gong, Ngou, Cham, Mai. Can you tell the difference of the tones this time? For some other Chinese dialects, the total number of the tone classes could go up to 9. It is rather difficult for non-native speakers to learn this dialect, even within the Chinese population. Bon, alors là, cette fois-ci, elle rend la chose plus difficile vu que cette fois-ci, elle prend différentes syllabes qu'elle prononce avec différents tons. Elle ne garde pas la même syllabe d'un ton à l'autre. Mais je ne sais pas si vous arrivez à saisir, à sentir les différents tons entre ces différentes syllabes. Moi, non, personnellement. Alors, moi, il m'a semblé que si. Par contre, elle a dit 2 fois, c'était quoi, maille ou taille, je ne sais plus. Et là, j'ai entendu absolument aucune différence entre les deux. Je ne sais pas s'il devait y en avoir une. Il y en avait une, ouais. Mais... Bon, normalement, nos oreilles ne sont pas véritablement faites. Enfin, c'est pas ne sont pas véritablement faites. C'est alors, bravo. Ne sont pas entraînées. On n'est pas entraînés. C'est pas exactement ça, justement, vu que ça va être le sujet de la suite de l'épisode. Donc, c'est normal qu'on ait du mal à percevoir ces tons qu'on n'est pas habitué à percevoir dans notre langage. Bilan, pour nous autres pauvres francophones, le chinois, c'est compliqué. En tout cas, compliqué à prononcer. Mais avec le japonais, c'est un peu l'inverse, car ce sont eux qui galèrent avec nos français bien durs à prononcer. En japonais, les syllabes sont en gros constituées d'une consonne forcément suivie par l'une des 5 voyelles japonaises, donc A, I, U et O, et éventuellement d'un N final. Il y a éventuellement d'autres petites subtilités, mais je simplifie. Cela veut dire que si un son S, un son T et un son R, enfin pas exactement un son R, un son, leur R est un peu entre notre R et notre L, donc ça donne L, existe en japonais, donc si S, T et L existent en japonais, les japonais vont avoir énormément de mal à enchaîner 3 consonnes, comme dans notre syllabe STRA. On aura donc quelque chose comme SUTORADI BARIUSU, pour un mot que vous connaissez tous, qui est, je le refais. Alors là, attends, répète-toi. Sutoradivariusu. Ouais. J'en ai aucune idée. Un Stradivarius. D'accord. ou autre exemple, comme la plupart de nos consonnes finales n'existent pas en japonais, on aura Makudonaldu pour, celui-là est plus simple. Ouais, pour McDo. Ouais, exactement. Voilà. Différentes langues, différents sons et pourtant même cerveau. L'explication que propose ici Pierre-Yves Oudéyé, c'est que tout cela soit une histoire d'auto-organisation. Et c'est sur cette intro qu'on va se rapprocher un peu plus de vie artificielle ou de simulation. L'idée, c'est d'avoir de petits groupes de robots, produisant chacun une gamme de sons initialisés aléatoirement, différents sons pour chaque robot donc, et interagissant avec le reste de la population et de voir ce qui se passe. Alors comment ça marche ? Je vais pas rentrer complètement dans le détail car ce serait trop long et compliqué, mais je vais rapidement survoler quelques éléments intéressants. Donc un outil couramment utilisé en intelligence artificielle ou en vie artificielle, c'est les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, dans un contexte informatif, c'est disons des entités qui sont interconnectées par des connexions qui sont pondérées. On va appeler ces entités interconnectées des neurones, même si ce n'est pas des vrais neurones qu'on a dans notre cerveau, mais on les appelle comme ça. Et nos neurones vont pouvoir être activés ou pas. Quand un neurone est activé, il envoie un signal en direction de tous les neurones vers lesquels il a des connexions. Si ces neurones reçoivent suffisamment de signaux, ils s'activent à leur tour et ça fonctionne donc en très gros sur le même principe que nos vrais neurones. Et pour que tout cela interagisse avec quelque chose, il faut généralement que certains neurones soient connectés à des entrées, c'est-à-dire qu'ils s'activent en fonction de l'état d'entrée de choses extérieures au réseau de neurones, tandis que d'autres soient connectés à des sorties, c'est-à-dire que eux, ils activent quelque chose quand ils sont activés. Bon, dans notre cas, qu'en est-il ? Ben, la moitié des neurones de nos robots sont connectés à des entrées qui vont permettre de percevoir des sons entendus par notre robot, tandis que l'autre moitié est connectée à des sorties qui vont lui permettre de produire des sons. Donc, par la suite, je vais appeler les neurones qui sont connectés à des entrées des neurones percepteurs et les neurones qui sont connectés à des sorties des neurones émetteurs. Percepteurs de son, émetteurs de son, je pense que niveau vocabulaire, c'était plus simple. Et c'est là que j'arrive à la partie compliquée du dossier. Si je vous perds en route, ça ne devrait pas être trop grave, je devrais être en mesure de vous rattraper un peu plus tard, mais pendant 2-3 minutes, je vais avoir besoin de toute votre attention. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, j'arrête ce que je suis en train de faire, je t'écoute. Ok. Chaque neurone émetteur produit initialement un son aléatoire quand il est activé. Ok ? Donc chaque neurone émetteur de chaque robot. Pour chaque robot, ces sons aléatoires sont répartis équitablement. Donc on va se représenter un peu la chose. Pour se représenter la chose, vous imaginez un carré, plein de petites taches ou de petits points sur ce carré. Chaque point est un son. Plus les points sont proches, plus les sons sont proches. Chaque neurone émetteur est connecté à un seul de ces points. C'est le son qu'il émet. Et tout ça est initialisé aléatoirement en début de simulation pour chaque robot, de sorte à ce que notre aléatoire ne fasse pas des tas de points au même endroit. Ok, que ce soit réparti équitablement. Du côté des entrées, c'est la même chose. Vous avez plein de points, à peu près répartis équitablement sur un carré, pas les mêmes, et les neurones vont s'activer quand ils vont entendre un son correspondant à ce point. Ok, vous suivez. Bon. Enfin, je dis que vous suivez, peut-être pas, c'est bon. c'est bon. Ok. Bon, en fait, tout est un peu plus compliqué, parce qu'en plus, tous les neurones sont interconnectés entre eux, il y a des connexions dans tous les sens, mais le principe de base, c'est ça. Nos robots vont donc produire des sons. Comment ça va se passer ? Bah, on va prendre aléatoirement 5 neurones émetteurs, et donc 5 points sur notre carré, et donc 5 sons. Et on va les activer tour à tour. Mais on va faire ça de manière continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière continue ? Si je reviens à mon carré, plutôt que faire le son du point 1 puis le son du point 2, on va tracer un segment entre le point 1 et le point 2 et on va faire progressivement tous les sons intermédiaires entre le point 1 et le point 2. Voilà. Donc, c'est comme ça que nos robots vont produire des sons continus en activant des neurones aléatoirement. Pour l'écoute, c'est pareil. On a des sons continus, mais il nous faut du discret, il nous faut des points. Donc, on va reprendre nos petits segments, pas forcément les mêmes parce qu'il y a des perturbations, etc. Voilà. Et on va faire des moyennes pour avoir des points qu'on va pouvoir situer sur notre carré. Chaque neurone percepteur va donc avoir son point sur son carré de base et le point qu'il entend. Son point sur son carré de base, c'est son point préféré. Et si le point qu'il entend est suffisamment proche de son point préféré, bah, le neurone va s'activer. Et en fonction des neurones qui s'activent, ça va activer d'autres neurones dans des interactions complexes. Bon, voilà. C'est le fonctionnement global du truc. Dernière étape, et après on passe à des choses, on arrête avec les trucs compliqués, l'apprentissage. Quand un neurone percepteur s'active en entendant un son, son point préféré va se rapprocher encore de ce son. Ok ? C'est-à-dire plus il entend un son et plus il est activé par ce son, plus il déplace son point idéal vers le son qu'il a entendu. Et le robot entend aussi les sons qu'il produit au passage. Donc ça marche aussi avec les sons qu'il produit. D'ailleurs, deuxième point, quand un robot est en train de produire un son, les connexions entre les neurones émetteurs activés, les neurones qui déterminent le son qu'il produit, et les neurones percepteurs activés vont se renforcer. Du coup, les neurones perceptifs vont avoir tendance à se connecter à des neurones émetteurs qui produisent le même son que leur son préféré. Ok. Enfin, quand le robot ne produit pas de son, mais entend éventuellement le son d'un autre robot, on va regarder quel neurone émetteur est le plus activé. On va regarder son point sur le carré, donc le son qu'il produit. On va rapprocher les points de tous les autres neurones émetteurs de ce point en fonction de leur connexion. C'est un peu plus compliqué, mais c'est, voilà, c'est l'idée. Fin de l'explication chiante, vous pouvez revenir les gens. Donc tout ce que je vous ai expliqué quand même très très succinctement, c'est a priori quelque chose de pas mal utilisé, appelé le couplage sensori-moteur. C'est un mécanisme neural de bas niveau assez connu, entre autres utilisé pour modeler le couplage œil-main par exemple. J'en sais pas tellement plus. Ok, mais alors quel est le résultat de cette simulation ? Bah plein de choses. Déjà tout ça va converger. Je veux dire par là que nos points qui étaient initialement répartis un peu partout sur notre carré vont se retrouver regroupés, presque superposés dans un tout petit nombre de zones, en perception comme en émission. Résultat, au bout d'un moment, nos robots qui produisaient toute une gamme de sons à peu près continus et très divers ne produisent plus qu'un nombre très réduit de sons. Disons qu'à la base, ils produisaient toute la gamme de sons de A à E, par exemple, et qu'au bout d'un moment, ils produisent qu'un A et qu'un E. Pire, ou mieux, ils ne perçoivent plus qu'une gamme réduite de sons. Mieux encore, la gamme de sons qu'ils perçoivent est la même que la gamme de sons qu'ils produisent. Je continue. Tous les robots qui ont interagi produisent et perçoivent maintenant les mêmes sons. Alors pourquoi ça ? Récapitulons nos trois règles et présentons-les un peu autrement, un peu plus simplement. Plus un robot entend un son, plus il le perçoit. Quand un robot produit un son, il renforce les connexions entre les neurones qui perçoivent ce son et ceux qui le détectent. Et la dernière, un peu plus compliquée, quand les neurones percepteurs sont simulés mais que le robot n'émet pas de son, l'ensemble des neurones émetteurs se mettent à produire un son un peu plus proche de celui du neurone émetteur qui se retrouve activé. Or, en vertu de la règle précédente, les neurones percepteurs qui vont réagir à ce son ont de bonnes chances d'être déjà connectés avec les neurones émetteurs qui produisent ce même son. Avec ces trois règles, il suffit qu'un certain son soit produit un peu plus fréquemment que les autres pour qu'il soit de plus en plus perçu, que du coup les neurones émetteurs produisent un son similaire soit de plus en plus activé et donc que les neurones émetteurs se mettent à produire un son de plus en plus similaire. Voilà, c'est une sorte de convergence auto-induite assez similaire à ce dont parlait Irène par exemple avec les hormones. Un phénomène auto-entretenu, enfin qui s'accélère dès que, à partir du moment où il est amorcé. On comprend que ça va converger vers un nombre réduit de points. Nos robots vont donc voir leur vocabulaire se réduire et passer du continu, ils produisent toujours un son continu, mais passer de couvrir toute la gamme de possibles de sons à un nombre très réduit de sons. Mais si la convergence se produira à chaque fois, elle ne se produira pas sur les mêmes sons d'une expérience à une autre, d'une simulation à l'autre. Autre élément intéressant, les sons vers lesquels le vocabulaire du robot convergera sont assez distincts les uns des autres. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le langage. On n'a généralement pas trop de sons qui sont vachement proches les uns des autres dans un même langage. Il faut que ce soit quand même suffisamment réparti pour que ce soit... quand on parle de langage, on a tendance à interpréter ça pour de la facilité de compréhension et pas mélanger les sons, quoi. Enfin, si on laisse un robot tout seul, son vocabulaire convergera aussi. Donc on a bien deux résultats. Le robot qui se stabilise sur des attracteurs, sur des sons réduits, et un vocabulaire restreint, et les robots en interaction qui se stabilisent sur le même vocabulaire. Oui, mais dans la vraie vie, les sons produits sur les humains ne sont pas des petits points sur un carré. Quelle que soit votre langue, certains sons vous seront pénibles à prononcer. Et c'est pour ça qu'une seconde expérience a été menée. Deuxième passage un peu compliqué, plus rapide, concentrez-vous. On remplace le carré, de mon exemple, par un système de synthèse vocale utilisant trois dimensions. Deux dimensions vont permettre de situer la langue, et une dernière permettra d'évaluer l'ouverture des lèvres. Et avec ça, on va pouvoir produire des sons qui vont avoir l'air d'être des sons humains, si ce n'est que ce sera juste des voyelles. Voilà, fin du passage compliqué. En fait, c'était pas vraiment un passage compliqué, c'était une feinte pour vous reconcentrer. Que va-t-on obtenir avec ce système ? Eh bien, la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, on va pouvoir comparer les sons produits à ce qui existe réellement dans les langages humains. Et ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver à peu près le même nombre de voyelles que dans les langues que nous parlons. Et on va même retrouver à peu près les mêmes voyelles, à peu près réparties pareil. Genre, mettons que 5% des langues humaines n'aient les mêmes voyelles que le français, ben on va retrouver 6% des systèmes émergents avec ces expériences, avec les mêmes voyelles que le français aussi. Bon, ça marche pas parfaitement, on trouve quelques systèmes qui n'existent pas dans le monde réel, et à l'inverse, quelques systèmes de voyelles existent dans certaines langues humaines, mais n'évergent jamais dans la simulation. Mais bon, quand même, pour une expérience qui ne se propose en tout cas qui ne se proposait initialement que d'envisager la possibilité que des sons composant une langue puissent être un phénomène émergent auto-organisé, je trouve ça assez formidable. C'est-à-dire que l'expérience n'avait pas vocation à prouver que c'était comme ça que ça se passait. C'était plus un proof of concept, quoi. Oui, les sons utilisés pourraient être le résultat d'un phénomène émergent de ce genre, d'une forme d'auto-organisation. À partir de maintenant, je vais me permettre de faire quelques petits... Vous avez suivi jusque-là ? Personne n'est paumé ? C'est bon, ça a été ? Ouais, super intéressant. Yep. Ok. Je vous avais prévenu que ce serait assez rapide, le gros du dossier est terminé. À partir de maintenant, je vais me permettre de faire juste quelques petits parallèles et de poursuivre le débat de toute la hauteur de ma stature scientifique, lol. Est-ce qu'on retrouve dans le monde du vivant des éléments qui permettent d'appuyer cette approche ? La réponse est oui. Déjà, ça ressemble beaucoup à l'apprentissage d'une langue par un enfant, tout ça. Il me semble que ça avait déjà fait l'objet d'un dossier dans Podcast Science, dans les premiers numéros, mais je vous rappelle vite fait qu'un bébé perçoit aussi bien les tons chinois que vous avez entendus tout à l'heure que les sons japonais ou que le français. Cette aptitude disparaît progressivement avec l'âge, pour se limiter au son de sa langue maternelle. Il y a des expériences qui ont été faites avec des nounours, des petits trucs, des petites friandises à attraper, et l'enfant savait distinguer du chinois, n'importe quel son, et progressivement, à mesure qu'il apprend à parler, ou même pas tout à fait, qu'il se familiarise avec des sons, il perd cette capacité. Tout ça ressemble beaucoup au phénomène décrit ici, avec nos robots qui perçoivent initialement une large gamme de sons, et produisent aussi une large gamme de sons, et convergent progressivement. Ça ressemble aussi énormément au chant des baleines et des oiseaux chanteurs. En gros, il existe différents chants, et quand deux individus ne parlant pas la même langue, entre guillemets, ou ne produisant pas le même chant se rencontrent, il y aura progressivement convergence. Bon, donc ça ressemble à ce qu'on retrouve dans le vivant. Mais j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. J'ai envie d'en profiter pour réillustrer l'un de mes dadas, la sélection naturelle. L'auteur insiste pour expliquer que ce n'est pas de l'imitation. C'est vrai, ce n'est pas de l'imitation. On parle de couplage sensorimoteur, d'attracteur, de système complexe, et l'on arrive à expliquer ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de parler d'imitation à aucun moment. Néanmoins, on se retrouve avec un système qui, au final, produit une forme d'imitation. Bien sûr, il n'y a pas de volonté d'imiter à aucun moment de la part des agents, de même que les gènes égoïstes de Dawkins n'ont pas de volonté de se répliquer ou quoi que ce soit. Mais si l'on introduit un nouvel agent dans un groupe existant, il se mettra au bout d'un moment à produire les mêmes sons que les autres. Donc, à avoir le même comportement que les autres sans avoir été programmé pour ça, et alors qu'il aurait tout aussi bien pu, dans un autre contexte, avoir un comportement différent. Bref, ça ressemble à un comportement culturel basique, et je trouve ça assez formidable. Et assez formidable qu'on puisse obtenir ça en réutilisant des processus de bas niveau utilisés pour la coordination œil-main. La culture serait alors un by-product d'un processus cognitif assez basique. Et une fois qu'il y a imitation, et une imitation en plus vraiment instinctive, on ouvre la porte vers tout un tas d'idées, pour moi, assez intéressantes et parfois assez spéculatives. Ce serait pas très dur, par exemple, de relier tout ça à de la mémétique. Bon, après, faut noter que tout ça ne concerne que l'émission de sons. Pour le moment, on ne leur donne pas de sens, il n'y a pas de sémantique là-dedans. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'on pourrait quasiment imaginer une langue, enfin une proto-langue, qui naisse avant... de lui donner du sens, genre des humains ou des proto-humains qui s'expriment dans un dialecte sans que les sons qu'ils échangent n'aient aucun sens. Mais bon, bref, ça, je trouve ça assez marrant et assez intéressant aussi. Reste donc à s'intéresser à ce qui pourrait connecter ces sons à de la sémantique, à leur donner du sens. Et ça, j'ai pas d'éléments là-dedans, mais je trouve ça super intéressant et j'avoue que ça me semble assez bien cadré avec la vision de Susan Blackmore de la même éthique. Et ça m'enthousiasme pas mal. Voilà, fin de ce petit dossier. D'accord, mais donc si j'ai bien compris ton dernier point, ce que tu dis c'est qu'on constate c'est un phénomène d'acculturation en quelque sorte, d'assimilation dans une culture alors qu'il n'y a même pas de culture, c'est un truc qui se ferait à beaucoup plus bas niveau. Ce qui est assez ouf en fait, c'est que, bon, on va dire que la production de son c'est un comportement. Il y a une grande variété de comportements possibles, il y a une grande variété de sons possibles. On prend une population qui produit à la base tous les sons possibles de manière aléatoirement, ils vont converger sur un même type de son, c'est-à-dire qu'ils vont se réduire à... ils vont réduire leur comportement à un comportement, des comportements spécifiques, bien définis, qui vont après se transmettre aux nouveaux individus qui vont rentrer dans le groupe. Donc ça ressemble beaucoup à de l'imitation, même si c'est pas de l'imitation. Et vu que c'est un comportement qui est transmis, ça ressemble à une protoculture. L'idée que je viens de développer. Mais je ne vais pas tellement pouvoir aller plus loin. Hein. Je vais juste redire ce que je viens de dire. Mmh. Il y a Pingouin qui demande dans la chatroom si on est bien sûr que le réseau de neurones artificiels que tu as décrit est une bonne simulation du cerveau humain. Par exemple, qu'il y a une rétroaction entre le son produit et le son entendu. Alors, la réponse simple, c'est « je ne sais pas ». La réponse un peu plus compliquée, c'est surtout « ça ne prétend absolument pas être une bonne représentation du cerveau humain ». Enfin, les réseaux de neurones, de toute façon, c'est un truc utilisé en IA qui est inspiré des vrais réseaux de neurones qui existent, mais c'est une méthode d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes, quoi. Enfin, les mecs qui bossent là-dessus cherchent pas plus que ça, une bonne partie d'entre eux cherchent pas particulièrement à modéliser le cerveau humain, ils cherchent juste à utiliser une technique d'intelligence artificielle qui marche et qui est efficace. Mais ce qui est ouf, c'est que en partant de ça et en partant d'intelligence artificielle bio-inspirée assez basique et inspirée par un truc qui a rien à voir avec le langage, on arrive à ça, quoi. On arrive à reproduire les mêmes systèmes de voyelles que celles qui sont utilisées dans la plupart des langues humaines dans les mêmes proportions. Pour moi, c'est assez surprenant d'obtenir ce genre de choses. Après, c'est peut-être aussi lié juste à la topologie, enfin, à la forme de l'espace des possibles de leur machine qui simule de la parole. Il y a d'autres explications possibles, mais bon, je trouve ça cool, quoi. Mm-hmm. Pingouin a précisé dans la chatroom qu'il disait car on sait que l'auto-organisation est une propriété des réseaux de neurones artificiels. Ouais. Co-onon. Oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'il a utilisé des réseaux de neurones. C'est juste parce que justement, son but c'était de voir si les sons produits, les sons d'une langue pouvaient être quelque chose d'auto-organisé. Donc il a essayé de, il est parti de quelque chose qui était comme les réseaux de neurones, qui étaient connus pour avoir des propriétés d'auto-organisation. Il a essayé de voir si en faisant interagir tout ça, on obtenait quelque chose d'assez similaire à ce qu'on obtient dans le monde réel. Et d'après son papier, la réponse est oui. Le papier est en français en plus, donc si jamais vous voulez le lire, c'est assez. Il est en français, je pense, en libre accès. Tu nous mettras le lien ? Ouais, je vous mettrai le lien, je peux même le mettre. Puis je me disais, c'est un papier où il y a des bonus audio, on peut les entendre Ah non, il n'y a pas de bonus audio, en plus c'est un papier de 2001, donc c'est un peu. Attends, en 2001, il y avait des cassettes. Non, mais j'ai eu un peu de mal à retrouver. Le mec bossait, donc, comme vous pouvez le voir, chez Sony un peu dans un moment. Et je pense que Sony a. En fait, Sony a pas mal de papiers scientifiques qu'ils hébergent, mais certains de ces papiers ne sont plus hébergés. En fait, bref, quand je cherchais la biblio de Pierre-Yves, j'ai eu un petit peu de mal à retrouver tout ce que je cherchais à trouver. Donc je pense que si... pour d'autres papiers, il y avait, semble-t-il, des vidéos, mais qui ont disparu. Donc pareil, là, il ne fait pas référence à des sons, mais je pense que si jamais il y en avait eu, ils auraient disparu depuis l'époque. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Je me demandais, peut-être que tu l'as dit et que je n'ai pas fait gaffe, il a quel type de background, ce Pierre-Yves Houdayer ? C'est un chercheur en quoi, en fait ? C'est quel genre de scientifique qui s'intéresse à ces questions-là ? Si je ne dis pas de bêtises, il fait de l'intelligence artificielle. Il est recherche directeur à l'INRIA. D'accord. Voilà. Donc, il fait sciences cognitives, robotique, intelligence artificielle, ce genre de choses. Mm-hmm. Oui, et il a fait Normal Sup, en effet, comme le dit Pingouin. Oui, mais le papier date de 2001, donc il a fait d'autres choses depuis. Mais... Yep. Bon, puis maintenant, ouais. tu vois, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des cassettes en 2001. Alors évidemment, tout le monde se fout de ma gueule dans la chatroom. Il y avait des MP3, on en a parlé du bitrate des MP3 à l'époque. Enfin, c'est vrai qu'il y avait des MP3 en 2001, mais il y avait même des MP3 dans les années 90, en fait. On aurait pu... Enfin, ces sons doivent exister quelque part. C'est dommage qu'on les trouve pas facilement en ligne. Quoi. Ça aurait été vachement intéressant de les entendre. Ouais, donc, non, c'est vrai, je suis d'accord. À mon avis, je pense que c'est plus insupportable qu'intéressant à écouter ce genre d'expérience. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est très vite barbant, mais juste comme ça, quoi, pour se faire une idée. Pour une fois qu'une expérience est audio, c'est toujours tellement difficile de rendre des trucs en audio. Sur le podcast, là, il y avait de la matière, puis on ne la trouve pas en ligne. C'est très agaçant. En tout cas, super intéressant. Ouais, vachement intéressant, indeed. Bon, et puis Je prépare aussi ma petite annonce de, enfin, que vous savez plus ou moins tous les deux, de je serai pas là la saison prochaine. Histoire de la, tu veux qu'on te mette la musique du Roi Lion ou tu fais moins non, de, c'est bon, ça de va forme aller que l'autre là? Donc, non, j'ai pas, je serai donc pas là la prochaine saison. Donc, ça fait quelques mois que j'avais annoncé la chose à Alan et Nico, mais il est temps de rendre tout ça officiel. Podcastion aura vraiment été une super aventure pour moi et m'aura beaucoup apporté. J'espère de mon côté avoir aussi apporté 2-3 trucs au podcast. Mais je rends mon micro, bah pourquoi? Podcastion, ça a trop de succès. On arrive même à avoir des tables de mixage avec de l'argent de nos fans. Non, la gloire, tout ça, ça cadre pas avec mon côté hipster underground. Non, plus sérieusement, parce que déjà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais apporter à Podcast Science, c'est que je pense pas forcément être super bon dans le format. Je suis pas très à l'aise dès qu'il s'agit d'être spontané et je préfère des formats d'émissions beaucoup plus courts que Podcast Science. J'ai aussi un peu épuisé tous les sujets dont j'étais susceptible de parler dans Podcast Science. Et enfin, il y a une question de temps. J'ai pas vraiment le temps de participer activement à APS et à m'occuper de mes autres podcasts en même temps et de ma thèse. Alors voilà, je m'en vais, mais il y a toute une nouvelle équipe qui émerge et qui rocks grave. L'équipe se féminise, donc tout ça c'est cool. Podcast Science n'a pas besoin de moi pour être un formidable podcast, et bon, après je disparais pas non plus complètement, déjà tout ça veut pas dire que je reviendrai pas faire un dossier occasionnellement si Alan ou Nico me le demandent. Par ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver dans mes autres activités internet, et exceptionnellement pour mon départ, je vais m'offrir une courte séance promo, exceptionnellement car habituellement je profite honteusement de la générosité d'Alan qui ajoute mes différentes activités dans les plugs de l'émission. Pour suivre mes autres activités, en gros, je parle intelligence artificielle, histoire, politique, religion, entre autres, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Xilrian, XILRIAN, Facebook, David Médernac, ou plus simplement sur xilrian.net, XILRIAN toujours, qui rassemble des liens vers tous ceux à quoi je participe, et en l'occurrence, dernière séance promo et après j'arrête. Je viens de me lancer dans de la vidéo sur internet en format assez court, une quinzaine de minutes. Ça se veut informatif et humoristique. Le premier épisode parle de la vie extraordinaire de Timothy Leary, scientifique, promoteur du LSD, leader du mouvement hippie et préfigurateur du post-humanisme. Y a des bouquins à gagner, vous pouvez retrouver ça en cherchant Les 9 vies de Timothy Leary ou Xilcast sur YouTube, ou toujours sur xilrian.net, ou je pense que Alan le mettra dans les plugs sur le site de Podcast Science. Et voilà, après cette honteuse plage publicitaire, je rends ma casquette et je vous laisse conclure. Voilà. Non, c'est surtout honteux parce que tu casses la baraque. On avait un petit plug pour l'Exilcast justement dans les plugs de l'émission. Mais bon, habile manière de dissimuler comme ça les petites larmes là, mais c'est un peu triste quand même. Non, ouais, carrément. Enfin, non, mais bon, tu rentres dans la grande famille des gens qui sont venus parler dans Podcast Science et qui, de toute façon, reviendront à l'occasion, quoi. Exactement. Comme des Mathieu. On quitte jamais vraiment Podcast Science. Je passe dans la famille des ex. Parce qu'on n'a toujours pas quelqu'un de mieux que toi pour parler de politique, d'histoire des sciences, qui ont fait n'importe quoi pendant des années en sciences et qui ont été suivis par leur gouvernement, tout ça, quoi. Mais je pense à Lysenko. Tu penses à Lysenko, oui. Mais c'est pas trop des sujets en plus qui cadrent vachement avec Podcast Science, en fait. Mais bon. Bon, voilà. ça a apporté des choses supplémentaires, quoi. Mais bref. Ben en tout cas, bonne continuation à tout ça, puis on tâchera de continuer à faire des plugs quand on pensera à le mettre dans les plugs, surtout. Yep. Puis merci, sincèrement merci David de tout ce que tu as fait, de tout le temps que tu as investi, de cet éclairage, c'est vrai, vachement particulier quand même que tu as amené au sujet du podcast, toujours avec un angle très personnel. En tout cas, moi, je pense que tu as apporté beaucoup. Ça me fait chier que tu partes. En même temps, je comprends, quoi, c'est normal. C'est une page qui se tourne, tu as plein d'autres choses à faire. Mais, c'est très gentil, mais de toute façon, on est tous ridicules par rapport à ce que toi tu as apporté et tu continues à apporter même après ta retraite. Ouais, moi je vais partir. J'ai eu du mal à décoller, mais je vais vraiment partir. au podcast. Donc, et puis, de toute façon, on va continuer dessus. Et puis, c'est cool. Faut aussi que. Enfin, ça fait du 109, quoi. On peut pas être tous, on peut pas être 50 à parler en même temps. Ah, c'est vrai. Puis, mais parle-nous quand même un peu du Xilcast, là, parce que c'est quand même assez chouette le fait que tu te lances dans un format vidéo. Toi, t'en as d'autres dans le pipe, tu sais déjà de quoi tu vas parler. J'en ai. Allez. Alors, on a le droit à une exclue quand même. Ah ouais. Exclusivité pour Podcast Science. Je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est le prochain épisode parlera de Von Neumann. D'accord. Ouais. On t'a perdu Prochain épisode parlera de Von Neumann, il a dit. D'accord, mais c'est tout. Tu t'es arrêté comme ça sur Von Neumann. C'est qui Von Neumann? Dis-nous un peu plus quand même. Ah non, mais faudra écouter le. Non, mais c'est l'un des. De toute façon, on va l'écouter. C'est le méchant père de la. C'est le méchant père de l'informatique. C'est l'autre père de l'informatique avec Alan Turing. Si ce n'est que Turing, c'est le gentil. Von Neumann, c'est un peu le méchant, mais c'est aussi le père de la vie artificielle. C'est aussi un psychopathe qui voulait. qui était. Enfin. Très content que les États-Unis aient eu recours à l'arme atomique. Enfin, c'est quelqu'un de beaucoup moins sympathique que Liri que j'ai présenté dans le premier épisode. Mais voilà, ce sera le second épisode. Combien de costumes t'auras pour l'épisode ou pas? J'en aurai quelques-uns. Je sais pas encore combien. Je vais continuer à changer de costume. Ça va devenir une marque de fabrique en fait. Ouais, alors c'est un peu un truc que j'ai improvisé sur le premier épisode. C'était pas du tout prévu. Mais je pense que je vais le garder parce que je crois que ça fonctionne pas mal. Par contre, je sais pas trop comment l'introduire parce que je vais pas refaire les 9 vies de ça. Je vais pas le reprendre d'un épisode à l'autre. En plus, je vais pas me limiter à des biographies. Donc, je sais pas trop comment je vais l'introduire. Mais ouais, je vais garder l'idée de changer de costume. Et puis, j'aime bien changer de costume en fait. Comment est-ce que ça a pu arriver par hasard, cette histoire de changement de costume? Il doit y avoir une anecdote croustillante là-dedans. Il n'y a pas d'anecdote très très croustillante. En fait, j'avais juste une idée, mais qui était de base juste un changement de décor. C'est quand je parlais de sa période hippie, je voulais faire une prise en lumière naturelle, dans l'herbe, avec des fleurs dans les cheveux. Et c'était trop compliqué niveau lumière, donc je ne l'ai pas fait. J'avais le costume. Et comme je me trimballe sans arrêt avec plein de fringues, et que j'avais ramené 2-3 trucs rigolos, 5 minutes avant l'enregistrement, enfin même après la toute première partie d'enregistrement, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire ça. Et je l'ai improvisé. Je suis assez content de mon costume de prêtre improvisé. Bon, et pour cette dernière, tu nous as ramené une côte alors? Non, même pas. Éventuellement, j'ai une côte de Liri, mais qui n'a rien à voir avec le sujet. Ça, c'est du réflexe. Et en plus, ce que j'aime pas trop, c'est. Si les femmes veulent être l'égal de l'homme, c'est qu'elles manquent d'ambition. C'est de Liri, en fait. C'est sympa, ça me plaît. C'est pas mal. Ouais, mais je trouve que ça fait un peu trop guerre des sexes comme formulation. Enfin, je suis de tout cœur avec le féminisme, les idées féministes. Mais je sais pas, j'aime pas trop cette citation. Bon, bref, mais c'est tout ce que j'ai. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est à méditer. Ce qu'on devrait viser avec ces mouvements-là, c'est l'égalité tout court. Quoi. C'est pas avoir les hommes comme point de référence. Enfin, dans mon opinion. Ne nous lançons pas là-dessus, parce que moi, ces histoires d'égalité, tu sais bien que ça me lance dans des grands débats. Quoi. Non, puis on veut pas que Nico se lance dans des grands débats. De quoi est-ce qu'on devait parler? Eh bien, on a un déroulé, donc là, je crois qu'on en est au pitch de la semaine prochaine. Ah ouais, le pitch de la semaine prochaine. Alors, c'est formidable, il s'est écrit pendant l'émission, le pitch de la semaine prochaine. Donc, qu'on soit pour... Tu pourrais dire merci Julie, quand même. Ben non, parce que en fait, c'est moi qui l'ai écrit. Ah merde, désolé. Mais merci Julie, quand même, pour tout le reste. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre ou qu'on s'en foute, car oui, dans la vie, on n'est pas forcément pour ou contre, ne me lâchez pas sur le sujet, les déchets nucléaires existent et il faut bien en faire quelque chose. Sauf que, bonjour le cahier des charges, où stocker et comment stocker ces déchets encombrants hyper dangereux pendant 1 million d'années? D'ailleurs, faut-il les enterrer alors qu'ils contiennent encore presque 100% de leur énergie et qu'on saura sans doute en faire quelque chose dans quelques dizaines d'années? C'est ce que nous verrons avec Annabelle et Guillaume, chargés de communication de l'ANDRA, c'est donc l'Agence nationale française pour la gestion des déchets radioactifs. Les cafetiers des sciences avaient eu l'occasion il y a quelques semaines de descendre avec eux dans leur laboratoire souterrain à 500 mètres sous terre, sur le site de Bure, au milieu de nulle part, quelque part en France, et j'ai eu la chance de faire partie du voyage. C'était absolument fascinant, je me suis dit que ça valait le coup qu'on en parle un petit peu ici. Et puis on finira d'ailleurs la saison là-dessus. Alors soyez de la partie dans la chatroom, on sabrera le champagne pour fêter tout ça. Ce sera l'épisode 182. J'en avais pas encore placé hein, avec des 80. 182, rendez-vous le mercredi 9 juillet à 20h30 sur live.podcastscience.fm. Bon ben super, moi je suis déçu, je serai pas là sans doute. On parle déchetterie nucléaire et toi tu fous le camp. Bah, bon, bah attends, déjà je me suis cassé le tendon d'Achille, j'ai pas pu aller à la visite. Ouais, et là, à cause du festival d'Avignon, je peux pas venir au live, quoi. Toujours des excuses de merde. Hein. C'est vraiment trop injuste. Hein. Mm. Voilà. Et ouais, ben merveilleux, quoi. Yes. Bon, quelques plugs. Ouais, tout un paquet de plugs, même. Ouais, c'est la fête du plug là cette semaine. Ben, d'abord, on voulait vous signaler la semaine d'expérience sur le thème de l'eau chez nos amis de Qui dit Science. Pour fêter le début des vacances d'été, Qui dit Science organise la semaine prochaine, soit du 5 au 12 juillet, des tas d'expériences sur le thème de l'eau. Un rendez-vous à ne pas rater. On voulait parler du Xidcast, mais bon, ça c'est fait. Sinon, tu voulais nous parler d'une chaîne vidéo. Non. Non ? C'est pas moi qui a mis ça. C'est pas toi qui a mis ça. Mais du coup, c'est Julie qui l'a mis. Merveilleuse Julie. Merci Julie. Ben, vas-y. Alors, en fait, c'est une vidéo que je n'ai pas encore regardée. Alors, tu peux y aller, moi j'ai vu, c'est génial. Ouais, j'ai regardé et puis j'arrivais pas à suivre parce que je faisais autre chose. Mais donc, c'est Dirty Biology par Léo et Colas Grasset qui nous donne le point commun entre Gengis Khan et un verre de sperme. Ouais, c'est vraiment super bien fait. Pour moi, c'est un peu un modèle du genre. C'est, j'aime tellement le storytelling dans la vulgarisation scientifique. Là, avoir un fil rouge comme ça, tellement, tellement improbable, tellement what the fuck pour raconter un truc super intéressant au final, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, ouais, je vous le recommande à fond. Par contre, juste à préciser, c'est en anglais. Non, c'est en français. C'est en français ? Ah bon, donc je dis vraiment n'importe quoi. Je dis vraiment totalement n'importe quoi. Non, mais tu vois, j'étais persuadé de l'avoir écouté en anglais à tel point que je suivais. Bah, bravo. Donc c'est ça. Bon, le nom de la chaîne YouTube est en anglais, effectivement, c'est Dirty Biology, D-I-R-T-Y, biologie avec un Y à la fin. D'ailleurs, c'est... Désolé, oui, c'est génial ça, j'ai vu ça passer aussi, c'est super cool. Ouais, c'est super bien. D'ailleurs, on peut en profiter pour un petit plug qu'on n'avait pas prévu, mais c'est Vidéo Science, hein, le portail des vidéos de science, donc le dernier bébé de notre ami Pierre Kerner. Moi, c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai découvert Dirty Biology. Je ne connaissais pas avant. Et il y a des tas de choses géniales à découvrir. Donc, c'est videoscience.café-science.org. Il faut y aller. Sinon, puisque c'est la fête du... Alors, attends, si on est dans les plugs vidéo... Donc, moi, j'ai regardé la semaine dernière là, Cosmos, la nouvelle série de documentaires qui est un reboot de la précédente, a priori, que j'avais jamais vue, avec Carl Sagan. C'est exceptionnel. J'ai vu que le premier épisode, mais je suis déjà fan, donc allez-y. Ouais, donc enfin, c'était la série originale qui était avec Carl Sagan. La nouvelle, c'est avec Neil deGrasse Tyson. Voilà, et ça parle pas de la même chose, je crois, que la série originale. Si. Non, il me semble qu'ils ont fait des nouveaux épisodes, mais juste, ils ont gardé l'esprit. Enfin, je sais plus. D'accord. Je crois que c'est pas exactement la même chose, mais peut-être que j'y vais. Enfin, dans tous les cas, c'est bien, quoi. C'est vrai. Bref, c'est vraiment très, très, très, très bien. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça se trouve sur l'internet mondial. On n'en dira pas plus. Ouais, c'est ça. Sur les sites suédois, en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et dans quelques mois en DVD. Et sur le replay de Numéricable et de quelques autres FAI françaises. Et après, je sais pas pour les étrangers. Ouais. Ok, alors moi ce que je voulais annoncer c'est la NIPconf. Donc vous connaissez bien sûr les podcasts de la famille NIP, les fameux NIPcasts, ce nouvel empire médiatique qui chouchoute sa communauté avec des contenus qui n'existent nulle part ailleurs, qui parle de start-up et innovation avec NIPTech, d'éducation avec NIPEDU, de vente avec NIPSales, de life hacking avec NIPLife, de sport avec NIPSport, de développement avec NIPDev. Et je crois qu'il y en a encore qui doivent arriver. C'est un truc de ouf ce que c'est devenu. Enfin voilà, avec tous ces thèmes et cette formidable communauté, la suite logique c'était bien sûr la conférence. Eh bien, elle est en train de se préparer. Elle aura lieu le 24 octobre à l'EPFL, plus précisément au Swiss Tech Convention Center, avec des intervenants formidables. Alors, vous trouvez tous les renseignements sur nipconf.com. Et puis, sachez qu'il y aura 50 francs de réduction sur le ticket d'entrée pour les auditeurs de Podcast Science, soit un tarif super early bird à 99 francs, 99 francs suisses, pour qui s'y inscrit rapidement. Mais comme on n'est pas, voilà, on en a parlé hier soir avec Ben, on a trouvé cet arrangement. On n'a pas été jusqu'au bout du truc. Je peux pas encore vous communiquer un code. Je pense que le plus simple, c'est de nous envoyer un petit message sur podcastsciences@gmail.com et puis on vous renverra votre code pour avoir la réduction. Et nous donner votre épisode préféré pour prouver que vous écoutez Podcast Science. Est-ce qu'ils doivent prouver qu'ils écoutent Noobcast aussi? Ça, je sais pas. C'est pas une mauvaise idée de nous dire quel est votre podcast de Noobcast que vous préférez. Ouais. Ouais, c'est bien. Voilà, comme ça, juste quelques conditions, pas trop difficiles. Et peut-être une, je sais pas, un truc de science un peu. Mais il n'y a pas encore de Noob Science. Non, mais une question liée aux sciences pour Podcast Science, quoi. Genre, je sais pas, pour ou contre les vaccins ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pour ou contre les OGM, ça c'est le sujet un peu en vogue ces derniers temps. Ah ouais, je crois qu'il y a un mec qui a écrit un article là-dessus. Ah ouais ? Qui c'est ? Un certain Alan. Ah oui, un Suisse, quoi, qui n'arrive pas à faire de choix. Un Suisse, c'est ça. Si vous voulez lire un article de Suisse, donc Alan explique pourquoi il est ni pour ni contre, bien au contraire, les OGM. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je racontais dans le podcast, dans le dernier style avec Pouillot. C'est ça, là, c'est la retranscription. Chez toi, exactement. Ouais. Good, sinon, un petit peu. Sinon, donc, on cherche toujours des dessinateurs pour la soirée radio-dessinée du 23 août, qui accessoirement sera notre rentrée podcastique. Si vous êtes intéressé par une visite du CERN et que vous êtes doué pour faire des illustrations ou pas en écoutant des dossiers scientifiques, c'est-à-dire que même si vous dessinez même, mais que vous avez des bonnes idées pour faire des choses fun. Le thème sera transmis très bientôt. Enfin, en fait, on en a déjà parlé. C'est des trucs très gros. Enfin, la science un peu démesurée pour aller voir des toutes petites choses. Ben, contactez-nous un peu par tous les moyens que vous pouvez. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, vous pouvez contacter globalement Alan, Julie ou moi. Sur le mail, vous pouvez contacter un peu tout le monde. Par Minitel, vous pouvez contacter Robin. Et voilà, on a quoi comme autre moyen ? Par courrier postal ? Par fax ? Fax, ça va être compliqué quand même. Hein. Je sais pas, bah, démerdez-vous, essayez. Ça serait drôle, on n'a encore jamais reçu un fax. C'est vrai. Et voilà, mais en tout cas, viendez, vous verrez, c'est très sympa. Si vous avez peur de dessiner en live, c'est une fausse peur. Toutes les personnes qui s'y sont essayées reviennent. Il y aura juste un certain FIP qui vous impressionnera, mais il impressionne tout le monde. Et voilà. Ouais, c'est vrai qu'il a une production, hein. C'est complètement fou. Et c'est toujours génial, c'est un régal les dessins de FIP, c'est cool qu'il soit là. Mais ouais, bah, j'espère qu'il y aura plein de monde pour dessiner. En parlant de dessins, on a eu la chance d'avoir quelques dessins de Pouillot ce soir, publiés dans la chatroom, qu'on retrouvera dans les notes de l'émission. On en a eu un premier avec des cigognes qui discutent dans une cheminée. Donc ça parle de l'art de l'auto-organisation par la sélection des sons entendus. Et une cigogne dit à l'autre « Avec le temps, je distingue de mieux en mieux les bruits de cheminée. » Et puis on en a un autre qui est arrivé il y a quelques secondes, sur l'auto-organisation. Donc Pouillot nous explique que tout se joue avec les neurones, et puis on voit un neurone qui se dit « Ah, je vais bientôt pouvoir faire les alvéoles d'une ruche. » Comment ça, j'ai rien compris. J'aime beaucoup. C'est excellent. Mm. Voilà, et puis un dernier plug, bah, beaucoup de... parce qu'on a plein de poditeurs qui sont tristes d'arriver d'une émission par semaine seulement. On fait un petit rappel sur le fait qu'il y a plein de nouveaux podcasts qui sont arrivés récemment, comme Lisez la science, Anthropodcast, donc vous avez plein de nouvelles choses à écouter. Et puis, peut-être qu'un rappel aussi que quand vous commencez à tellement nous écouter et avoir tout écouté que vous vous dites qu'il n'y en a pas assez, ben c'est peut-être le moment de venir faire des dossiers, quoi. Ouais, tu recommences. Parce qu'en fait, parce qu'avec ton départ et dans une moindre mesure le départ de David, on perd les gens qui sont les moins scientifiques de Podcast Science, avec des grands guillemets pour David, parce que maintenant qu'il fait une thèse et compagnie, mais qui avait plus une formation histoire des sciences et tout. Ça se qualifie quand même, mais c'est vrai que moi... et voilà, et je trouve que c'était quand même des façons d'approcher les choses et d'expliquer ce qu'ils comprenaient aux sciences qui étaient riches. Surtout donc toi, et donc c'est pas parce que vous n'avez jamais fait de science, mais si vous avez écouté tous les épisodes de Podcast Science et que ça vous plaît, c'est sans doute que vous êtes bien prêt à nous faire des super dossiers sur ce que vous avez compris d'un sujet en particulier. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Il y a Swoog d'ailleurs, c'est un de nos auditeurs, qui se lance dans un dossier sur les trous noirs. Voilà, il y a aussi un autre auditeur, lui, qui qui je crois est chroniqueur dans, ou même fondateur, je sais pas trop, de développer.com, qui nous fait un dossier sur les tri en informatique. Mais voilà, enfin, donc on rappelle, je crois que c'est Georges Mackey qui disait ça, que Podcast Science, en gros, c'est un mec qui a lu un truc, qui a appris quelque chose et qui l'explique à son pote. Et c'est pas parce que on va être des cosmologistes, des biologistes, des matheux qu'il faut perdre ça. Donc viendez nous parler de ce que vous avez compris dans tous les sujets. Voilà, c'est très bien. Top. Très bonne idée, ce plug. Tu peux peut-être expliquer comment ça se passe concrètement si quelqu'un veut intervenir sur Podcast Science. Si quelqu'un veut intervenir pour Podcast Science, il nous fait un mail. Et globalement, en fait, bon, on a un format de dossier classique où en gros, c'est moins de 3000 mots. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous autorisera, sauf très grosse exception, à faire plus, on ne vous autorisera pas, parce qu'en général, quand c'est plus, c'est trop long. Par contre, vous pouvez très largement faire moins. Typiquement, Dovid a fait un dossier cette semaine plus court, qui est très très bien. Et en gros, vous nous envoyez un texte dans le format que vous voulez, a priori du Word ou du HTML, c'est encore mieux. On le relit, on vous fait des corrections s'il y en a, enfin bon, voilà, on se fait des allers-retours le temps qu'il faut. Et une fois qu'on est prêt, on se choisit une date et vous venez nous présenter ça en live, voire même comme, enfin, il faudra négocier, voire même si vous êtes vraiment timide, on peut le présenter pour vous, mais c'est dommage. Il y avait un certain Marco qui ne voulait pas présenter en live, finalement, il a réussi à venir. Et voilà, donc un dossier, commencez à écrire quelque chose, nous on fait des allers-retours. Si vous perdez l'inspiration, vous pouvez aussi nous envoyer un début, on peut vous conseiller, vous aiguiller. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Non, ça me semble très bien. Excellent, peut-être juste rappeler notre adresse email pour... Et donc l'adresse email, c'est podcastscience@gmail.com. Et voilà, c'est à peu près tout. Yep. Et on rappelle de mon premier dossier, il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore traités. Et de toute façon, avec une infinité d'épisodes de Podcast Science, on ne pourra pas parler de tout. Donc, faites-vous plaisir. Yep. Ouais, j'ai dit infini. C'est mal. Tu seras banni, tu seras sanctionné. Dis-donc, David, il y a quelqu'un qui demandait un peu plus tôt dans la chatroom si tu avais donné de bisous réglementaires à tout le monde qui t'autorise à quitter Podcast Science. Pas encore, je suis un peu trop loin géographiquement, mais ça pourrait éventuellement se faire au CERN. A priori, je serais là. Faudra qu'on filme ça ou qu'on prenne des photos pour avoir une preuve, quoi. Oui, non, mais ça peut se faire. Ouais, ok, nickel. C'est noté. C'est important d'avoir des rituels pour les étapes importantes. Good, sur ce, on conclut, Tup. Du coup, comme dame, que vous ayez aimé ou pas, restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de cadeaux, de toute forme, ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Passez, on se voit de toute façon la semaine prochaine, vous pouvez faire ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur l'Internet mondial. Merci encore d'être tous présents au poste, de nous écouter, de nous faire des retours, de nous insulter quand on dit des conneries, enfin, faites-vous plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine, le 9 juillet, a priori sans moi, sauf si je trouve un spot à Avignon, pour une interview sur l'Andra. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à toutes, et que servir la science soit votre joie. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.